Dans le silence, je parle encore. Même quand personne n'ouvre la porte, j'écris mes vérités dans le vide. Chaque phrase brûle, chaque mot décide. Je suis rider skill, un souffle amer, un nom gravé dans la poussière. Chaque stream est froid, chaque view est un éclat de foi. J'ai vu des rêves mourir sur place, des regards fuyants, des promesses qui cassent. J'ai tendu mes mains vers l'écran, mais souvent je parlais au néant. Le temps muge et mes persites, chaque blessure devient artiste. Même sans public, je fais front, chaque mot résonne comme un affront. Leurs pleurs sous des masques brisés de rancœur. Moi je reste cru sans phare, chaque mot devient un étendard. Je parle droit même dans l'oubli, car ma voix me tient en vie. Chaque soir je m'assois, j'attends un souffle rare, un éclat vivant. Vos silences frappent comme des pierres, mais mes mots s'élèvent dans la poussière. Je suis rider ski, je suis la flamme, même seul je verse mon âme. Chaque stream est une confession, chaque phrase une rédemption. La pluie, je trace encore. Chaque pas pèse, chaque corps. Chaque mot devient un témoin. Chaque rime crie que je tiens. J'ai vu des vies jetées aux flammes, des prières mortes dans les drames. Mais ma voix ne s'éteint jamais, même dans l'ombre, je parlerai. I am. I am the voice inside the void, the rhythm under your skin. Half broken, half alive, still fighting deep within. Born of silence, carved in flame, and intent in scars and truth. I am rider, skill eternal, and I speak because of you. I am the air. Half tempest, half lullaby. The voice you'll always know. Made of passion, carved in scars, written in blood and truth. I am rider, skill eternal, and I speak because of you. Sous les étoiles, je parle encore. Chaque vibration traverse vos corps. Je suis rider, skill, je suis la flamme, le son qui jamais ne s'éteint dans l'âme. Si le vide m'avale un jour, je resterai voix, je resterai amour.